crie avec la rage, veux pas, genre t'as pas vu. La banlieue a un charme qu'à jamais séduit la juge. On a des frères tout là-haut, en plus je peux même pas toucher le ciel. On pleure des litres et des litres, c'est comme ça qu'on prend de la bouteille. Les rives de mer, mais t'es bob certes et t'as du flow. Sur le beat, tu me pousses pas de rose, nous on tourne pas autour du pot. J'ai fini bot de la relève, de toute façon eux ils pensent qu'à baiser des meufs. La rue a des codes, pour ça que les keufs rentrent pas dans l'immeuble. Baby, baby, no more, baby, j'ai même plus sommeil. Tu peux être connu comme la lune, tu feras pas de l'ombre au soleil. Des gyrophares, des menottes, attaque au pays les méchants. La vie d'un banlieusard, un synopsis que je peux pas gégeant. Quand ton passé te rattrape, le présent lui veut fuir. Quand t'as pas vu l'envers du décor, tu peux pas tout décrire. J'essaye de prier, briller, aimer une fois sans souffrir. Seconde après seconde, la vie t'invite à mourir. On s'aime bien, on s'allie, on s'aime pas, on s'allume. Braquage raté, on s'ennuie, de toute façon ici on s'ennuie. Ici ça dit pour survivre, c'est pour maman qu'on dépense. Nos rues ont des lois qu'aucun baveux ne pourra défendre. Sollicité aux mêmes cités, dans les discussions de cité. Prédestiné à l'ouvrir, mais c'était pas pour sucer. Freestyle de midou, y'a que des numbos. J'suis de l'époque, on soufflait dans les jeux Nintendo. Plus chaud que tous mes confrères, dis-moi qu'est-ce tu comptes faire. Quand ton équipe tu fais chaud, quand t'es solo tu coopères. Rebou croqué en converse, enchaîne punchline et concert. Violence génétique, son tapaton, raquette ton petit frère. Dois-je mourir pour montrer mes plaies? Dans un désert de guerre, cherche un mirage de paix. Même si je mets des causes d'armes, mes gars me trouveront cinglé. Tu peux mettre des gaines dans tes clips car tes sons sont flingués. On se tire dessus, on survit, on sème, on scanne, on s'oublie. Traite ta mère, on sublie, on kiffe le son du gué. Ta carrière en marche arrière, le peur c'est mon créneau. La paquet SFR me cherche, je deviens une tête de réseau. Même quand j'ai tort, j'ai raison, pourquoi la gloire me repousse? La vengeance a des problèmes que seul un gain peut résoudre. De spi comme Jesse Owen, j'ai traversé la bohème. Et quand les vers sont plus solitaires, on chie des poèmes. Ouais j'ai dit que j'étais le boss, tu peux écouter mes sons. Et puis si je dois rouler ma poche, je commencerai par mon front. Pour un vol ou une bagarre, la nuit les petits rôdent. Des chiens, des keufs, des gyros, vague de violence en sirène. Ça tu tapes sur tirène, chef de meute ça progresse. Il me faut une femme, une tigresse, tu sais des bites ça tirait. Et quand il rappe, personne valide. Dieu pardonne mais pas nous, pas nos grands, nos calibres. On n'est pas potes, faut pas que tu me tutoies. Est-ce que tu tutoies? T'es déjà dit que tes sons sont flingués, c'est mieux que tu tutoies. Y'a qu'une pétasse au refrain, faut bien qu'on chante, non? J'ai vécu soupçonné, je suis mort étrangement. Quand tu voles t'atterris, tu nous tais, tu péris. Après la prière d'Aïcha, faut que je rattrape celle de Mary. Eux c'est pour les meufs qui veulent être connus. Même si je prends les transports en commun, je serai jamais comme eux. La force du nombre, c'est sourire à l'inconnu. Quand la solitude te drague, lui donne jamais ton nu. Un coup de main parce que les maisons, elles se bâtissent en groupe. Big up aux thérapies de groupe qui ont aidé des femmes battues. Nos solutions restent en vie, mais pour l'instant on tue le temps. On regarde tous vers le ciel, on a des rêves en suspens. Toujours garder espoir comme une sortie du coma. Je fais de principe de regret, de rêve et de cauchemar. J'ai pris les rênes sans savoir jouer aux échecs. Plus feignant nous déteste, la réussite nous détecte. Quand je passe la banlieue on se lève, y'a mon nom sur toutes les lèvres car je suis violemment célèbre. Regarder les autres vivre, ça c'est une perte de temps. J'ai vu des rêves de gosses glisser sur un toboggan. On m'a donné un place et j'ai cherché à le défendre. On m'a donné des ennemis, ils ont cherché à me descendre.